The star of the evening! The Masons rebuild Solomon's temple underneath all fronts. Diversionary plots from the foreign policy. I crash the Colosseum with technology. So when I spit, I keep my tongue lit. I got the Ark of the Covenant in my throat. That's holy shit. Now I float with plastique. You confront while we blow like plastique. Blacksmith to this crap, massive like a mastiff. Listen, pussycat. Spitting on some hot shit. Blacksmith to this crap, massive like a mastiff. Listen, pussycat. Follow me. Don't agree with policy. Listen, pussycat. Follow me. Bring it, you little pussy. J'suis froid pour ouvrir mon cœur, j'ai besoin d'un écart d'heure. Et j'rêve d'une thug life à la Dwayne Carter. À faire mes dièses avant la fin du quart d'heure. Ici faut courir vite ou frapper comme Carter. Yeah. Revois la big white Weezy. J'reviens foutre le bordel comme un big. Si, je reviens foutre la merde avec Plastic Ice. Une Guinness à la main quand y'a la bague qui passe. Encore une fois, je traverse les frontières. Je vais finir par faire tous les pays sa mère. C'est FLX, je reviens pour dégommer le beat. Et au passage, j'en profite pour enchaîner les feats. Fuck les bénéfices, Irish de père en fils. Je suis fier de moi quand mon son frappe des orifices. Et ouais, c'est ça la mif, je suis pas là pour le bif. Je suis là pour balancer du lourd et représenter la mif. Je suis là pour balancer du lourd et représenter la mif. Top deep. Yeah. Plastic Ice, Plastic Ice. Plastic Ice, Plastic Ice. Plastic Ice, Plastic Ice. Bla bla bla bla. Plastic Ice. Plastic Ice, Plastic Ice. Plastic Ice, Plastic Ice. Plastic Ice, Plastic Ice. Bla. Bitch!